vraiment, c'est pas vrai. Oh, Woodman, il y a deux voitures qui viennent à travers le désert. Pièce unique au monde, une véritable occasion. C'est terminé. Je n'entends plus personne. Cette chien de Shaolin est vendu pour 775 000 $ à M. Jonathan Hart.